Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, très heureux de vous retrouver. Et si je vous dis le barbier de Séville, eh bien, vous allez me dire, il va ouvrir l'émission avec du Rossini. Eh bien, pas du tout. Je vais ouvrir l'émission avec un barbier de Séville qui n'est pas de Rossini, mais de Giovanni Paisiello. Paisiello était le premier à composer un opéra sur la pièce de Beaumarchais. D'ailleurs, il est beaucoup plus proche de la pièce de Beaumarchais que ne l'a été Rossini. Paisiello, il est né en 1740, il était italien. Il a eu une vie un peu aventureuse, il a bourlingué un peu partout en Europe, y compris en Russie. Il a été jeté en prison par le roi de Naples parce qu'il ne voulait pas épouser une jeune femme à qui il avait promis le mariage. Et pour le forcer à épouser cette femme, eh bien, le roi de Naples l'a emprisonné. Oh, il ne voulait pas l'épouser parce qu'elle était laide, non, parce qu'elle n'avait pas assez de dot. Bah oui, à l'époque, c'était important. Donc, voilà, une histoire un peu étrange dans la vie de Paisiello, qui est un compositeur qui est extrêmement apprécié pour son Barbier de Séville, son œuvre la plus célèbre, et qui avait connu dès sa création un succès retentissant. Alors, on va en écouter la Sinfonia qui sert d'ouverture, qui ouvre donc ce Barbier de Séville de Paisiello avec l'orchestre de chambre hongrois dirigé par un spécialiste de ce répertoire de la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est Adam Fischer. Thank you. La Sinfonia, qui sert d'ouverture à l'opéra Le Barbier de Séville de Giovanni Paisiello, avec l'orchestre des chambres hongrois dirigé par Adam Fischer. Alors on va écouter un autre extrait de cet opéra de Paisiello, qui n'est pas très connu, mais qui est, je trouve, charmant. C'est la cavatine du premier acte. Peut-être reconnaîtrez-vous cet air parce qu'il figure, il illustre une scène fameuse dans le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick, la scène du jeu de cartes où l'ami irlandais de Barry Lyndon triche. Et tout cela éclairé avec un éclairage naturel aux bougies. C'était vraiment incroyable, ce souci de la perfection chez Stanley Kubrick. Donc une scène vraiment célèbre. Et cette musique de Paisiello, ressuscitée pour la circonstance, parce que évidemment, quand un film avec autant de succès qu'a eu Barry Lyndon utilise de la musique, ça dope un petit peu la connaissance du public des œuvres utilisées dans le film. Et c'est un air qui est assez étonnant parce qu'il est accompagné avec des mandolines. C'est pas si fréquent. On va l'écouter chanté par Dénès Guillias, qui incarne le comte Almaviva, Christina Laki Rosina, et puis l'orchestre de chambre hongrois, toujours dirigé par Adam Fischer. Et voilà, ça continue, évidemment, l'action continue. C'était un extrait du Barbier de Séville de Giovanni Paisiello, avec la voix de Denès Gulias dans le rôle du comte Almaviva, et puis Christina Lacchi dans celui de Rosine, on l'a pas tellement entendu, elle, hein, tout à la fin, et puis l'orchestre de chambre hongrois dirigé par Adam Fischer. Allez, on part en Tchécoslovaquie, en République tchèque, en Bohème, les noms évidemment ont changé, avec Dvorak. Dvorak qui jouait de différents instruments, piano, orgue, violon. Et c'est en tant qu'altiste qu'il intégra l'orchestre du théâtre de Prague en 1862. C'est vraiment une date importante pour lui parce que là, il va découvrir les opéras de Smetana. Ah oui, l'auteur de la Moldao qui a écrit de nombreux opéras qui étaient souvent joués à cette époque-là, en tout cas à Prague. Et l'occasion donc de participer à des créations sous la baguette de Smetana lui-même. Il a entendu La fiancée vendue, il a participé à sa création. Et puis, Dvorak a aussi eu la chance d'attirer la sympathie de Brahms, qui l'aida à faire éditer ses œuvres, par exemple les danses slaves, composées un peu dans l'esprit des danses hongroises de Brahms. Et sa réputation à Dvorak a grandi, il s'est fait un nom au sein de l'Empire austro-hongrois, il devint professeur au conservatoire de Prague en 1891, mais même l'étranger le réclama. Ainsi, il a été en Angleterre plusieurs fois, et il a résidé, on le sait, aux États-Unis, où il a pris la direction du conservatoire de New York. En résultat, son œuvre la plus célèbre, la fameuse symphonie du Nouveau Monde, et puis le quatuor américain, qui est très très beau. On va écouter un peu donc du concerto pour violon de Dvorak, achevé en 1879, et c'est interprété au violon par Ilya Kaler, magnifique violoniste, et puis l'orchestre de la symphonique de la radio polonaise est dirigé par Kamila Kolchinski. Thank you. Voilà un extrait, le début du magnifique concerto pour violon à la mineur opus 53 de Dvorak avec Ilya Kaler au violon et l'orchestre symphonique de la radio polonaise dirigé par Kamila Kolchinski. Alors hier, j'ai évoqué le cycle en cours des sonates de Beethoven, les 32 sonates de Beethoven qu'on va passer, pas dans leur intégralité bien sûr, mais par mouvement, donc dans les différentes semaines. Et deuxième émission avec Beethoven et ses sonates, donc la sonate numéro 2. Elle ressemble beaucoup à la première sonate. C'est une sonate qui a été éditée comme la première dans un groupe de trois sonates dédiées à Joseph Haydn, le maître de Beethoven à l'époque où Beethoven compose donc ses trois sonates vers 1794-95. Voici le final grazioso de la sonate numéro 2, interprétée par Stefan Kovacevic. Thank you. Le final rondo grazioso de la sonate en la opus 2 numéro 2 de Beethoven par Stephen Kovacevic. Et on retrouvera les sonates de Beethoven dans nos émissions à venir. En tout cas, une interprétation remarquable, particulièrement raffinée. Une intégrale qui était parue en 2003 chez Warner Classics. J'adore. Allez, de l'opéra maintenant avec les Contes d'Hoffmann. C'est d'ailleurs le seul opéra de Jacques Offenbach. Et en fait, c'est avec ses nombreuses opérettes, La vie parisienne, La belle Hélène, qu'Offenbach devint le compositeur favori du tout Paris de Napoléon III. Et d'habitude, il a, disons, un ton assez sarcastique dans ses œuvres. Et les Contes d'Hoffmann, eh bien, ça révèle une facette un peu inconnue de son génie, celle du tragique et de l'amour impossible. C'est l'histoire d'Hoffmann, artiste romantique en proie à l'échec. Et il nous raconte l'histoire de ses trois passions amoureuses funestes dans lesquelles une personnalité maléfique apparaît sous différents habits. Et son premier amour, c'est la poupée mécanique Olympia, qui a été fabriquée de toutes pièces, c'est un automate, et sous les yeux moqueurs de la foule, eh bien, Hoffmann finira par s'apercevoir au comble du désespoir qu'il était amoureux d'un automate. Alors, il y a un air très connu, c'est l'air d'Olympia, enfin l'un des airs les plus connus, parce qu'il y a aussi la fameuse barcarolle, hein, « Belle nuit, aux nuits d'amour », qui fait partie des standards du répertoire lyrique. Mais le couplet d'Ariane, d'Olympia, les oiseaux dans la charmille, alors ça c'est vraiment aussi un standard. On va l'écouter chanter, parce que c'est un air très difficile, par la jolie soprano colorature Jody DeVos, qui est entourée de l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Laurent Campellone. Jour L'air d'Olympia, tiré des contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach, avec Jody DeVos, soprano, l'orchestre de la radio de Munich et Laurent Campellone. Absolument incroyable, cette voix de Jody DeVos et ces artistes de sa génération, parce qu'elle est toute jeune, hein, qui adorent chanter Offenbach. Il y a un retour en force des œuvres d'Offenbach dans les programmations d'opéra, un peu partout dans les théâtres, et on ne peut que s'en réjouir parce que c'est un répertoire absolument fabuleux et d'une grande finesse. George Gershwin, c'est le plus connu des compositeurs américain. Il est né en 1898, il est mort en 1937 d'une tumeur au cerveau. Une perte incroyable pour la musique, parce que Gershwin est l'un des grands compositeurs de sa génération. Il était né presque dans la rue à New York, il a bourlingué d'ailleurs dans toute la ville parce que ses parents n'ont pas arrêté de déménager dans la ville de New York, la ville à la pomme, et un autodidacte en quelque sorte de la musique. D'ailleurs, très longtemps, il n'a pas orchestré lui-même ses œuvres. Mais le concerto en fa qu'on va écouter, concerto pour piano, date des dernières années de la vie de Gershwin. C'est une œuvre évidemment qui suit un plan classique en trois mouvements, mais évidemment très très très influencée par le jazz. Un concerto d'ailleurs qui à l'origine devait s'appeler New York Concerto. Bon, c'est concerto en fa qui a perduré. On va en écouter le troisième mouvement, interprété au piano par Garrick Olson. L'orchestre symphonique de San Francisco est dirigé par Michael Tilson Thomas. Thank you. le final du concerto en fa, concerto pour piano de George Gershwin avec ses couleurs un peu jazzy et son coup de gong vers la fin, peut-être l'avez-vous remarqué. C'était la version de Gary Colson au piano et l'orchestre symphonique de San Francisco dirigé par Michael Tilson Thomas. Retour à l'époque baroque avec un compositeur qui est peu connu, qui était tchèque, c'est Jan Dismas Zelenka, né en 1679, mort en 1745, contemporain de Bach, de Vivaldi et de Handel, est beaucoup moins connu. Il a séjourné un peu partout en Europe, lui aussi, mais c'est souvent hein, ces musiciens-là, on les retrouve un peu partout, notamment évidemment en Autriche, mais aussi en Italie. Alors là, c'était vraiment le voyage incontournable à l'époque, l'Italie pour se former, parfois la France. Et Zelenka, bon, on sait pas beaucoup de choses sur lui, parce que c'est un compositeur qui est resté assez discret. Je vous propose d'écouter une œuvre de Zelenska qui est un requiem en ut mineur. C'est assez magnifique. Et on va l'écouter interprété par le chœur et orchestre de chambre de Berne, dirigé par Jörg Ewald Daller. Le début du Requiem en ut mineur de Jan Dismas Zelenka, avec Brigitte Fournier soprano, Kenzo Ishii ténor et le chœur et orchestre de chambre de Berne, dirigé par Jörg Ewald Daller. C'est incroyable le nombre d'œuvres méconnues qui sont superbes et qui mériteraient bien sûr d'être plus souvent jouées, mieux diffusées. On continue avec le piano de Handel. Je dis le piano de Handel, mais évidemment Handel n'a pas connu le piano. Il est mort en 1759, date à laquelle le piano était encore assez balbutiement. C'est le clavecin, bien évidemment, qui était l'instrument roi. Le clavecin, dont Handel était un maître. Son œuvre pour clavecin est un peu moins connue que celle de son contemporain Jean-Sébastien Bach. Il est vrai que pour être un génie, l'œuvre pour clavecin de Handel n'a pas la portée de celle de Bach, bien évidemment. Alors on va écouter une pièce tirée de la suite en ré mineur de Handel, le presto, joué par Anne Kefelek. Presto de la suite en ré mineur numéro 3 de Handel, joué au piano par Anne Kefelek. Alors comme Offenbach a été très présent dans nos émissions ce week-end, on termine avec la conclusion de l'ouverture d'Orphée aux Enfers avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Herbert von Karajan. L'ouverture d'Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, tout au moins la conclusion avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. Ben voilà, c'est terminé pour ce matin, cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, donc les samedis et dimanches, de 11h à midi sur 94.2 Radio Fadjet. Bonne semaine à toutes et à tous et à très très bientôt, j'espère.